إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, Hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban, bikum jamia. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre de la purification de Boulour al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés à la fin du chapitre des eaux. En effet, il nous reste un hadith pour finir le chapitre des eaux. Et donc dans ce cours, nous allons finir l'explication de ce chapitre. Ensuite, nous allons faire une brève révision des points importants vus auparavant. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter dans cela. Donc à la fin de ce chapitre, l'auteur il a mentionné le hadith Abu Waqid al-Layfi. Donc Abu Waqid al-Layfi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute partie coupée d'un animal vivant est considérée comme cadavre. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que toute partie coupée d'un animal vivant a le même jugement que son cadavre. C'est-à-dire que si le cadavre d'un animal en particulier est impur, le morceau qui a été coupé de son corps le sera aussi. Et à l'inverse, si le cadavre d'un animal en particulier est pur, alors la partie de son corps qui est coupée le sera aussi. Il convient ici, Ikhwanifillah, de donner certains exemples pour que ce soit clair. Car comme le dicton arabe le dit, bil mithali yattadihul maqalu, avec l'exemple, la parole devient plus claire. Donc prenons l'exemple des bestiaux. Leurs cadavres sont impurs et interdits à la consommation. Et donc si quelqu'un viendrait à couper une partie de son corps, quel serait son jugement? La réponse est que cette partie serait impure et interdite à la consommation. Prenons encore un exemple. L'être humain, son cadavre est pur, mais illicite à la consommation. Donc si un de ses membres viendrait à être coupé, il sera pur, mais illicite à la consommation. Nous pouvons mentionner aussi le poisson. son cadavre est pur et licite à la consommation. Donc si un de ses membres viendrait à être coupé vivant, il serait pur et licite. Donc en résumé, la règle concernant ce sujet est le membre coupé a le même jugement que le cadavre. Ceci est la règle que les savants ont mentionnée à propos de ce sujet. Et il découle de cette règle certains sujets que les savants ont mentionnés. Parmi eux, lorsque la main du voleur est coupée, elle est pure, tout comme son cadavre. Mais la question qu'on se pose est: est-ce que nous devons prier sur cette main du fait qu'elle a le même jugement que le cadavre humain? Donc là, ici, les savants, ils ont mentionné donc une mas'ala, un sujet qui découle de cette règle. On a mentionné que le membre coupé a le même jugement que le cadavre. Si le cadavre, il est pur, alors le membre sera aussi pur. Et donc ici, les savants, ils mentionnent, ou plutôt ils posent une question, et ils disent dans le cas où, par exemple, la main d'une personne serait coupée, on viendrait à couper la main de cette personne, que ce soit un voleur ou une autre personne. Est-ce que on doit prier sur cette main? Est-ce qu'on doit prier sur cette main? Et concernant la réponse à cette question, les savants, ils disent qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsqu'on coupe la main d'une personne et qu'elle reste vivante. Dans ce cas, on ne prie pas sur la main. Et ça, c'est en règle générale. Lorsqu'on va couper la main à une personne, en règle générale, la personne, elle va rester vivante. Donc à ce moment-là, les savants, ils ont dit qu'on ne prie pas, d'accord, sur cette main, car la personne reste vivante. Et dans le deuxième cas de figure, c'est lorsque la personne, elle viendrait à mourir. Donc une personne, elle meurt et il ne reste que sa main. Imaginons qu'elle se fait dévorer par une baleine et qu'il reste que sa main. Alors ici, les savants, ils disent que dans ce cas-là, on prie sur ce qu'il reste. Si par exemple, il reste son pied, alors on prie sur son pied. S'il reste sa main, alors on prie sur sa main. Donc dans ce cas-là, on doit effectuer la prière, d'accord, mortuaire, sur la partie du corps qu'il reste. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus savant. Le deuxième sujet qui découle de cette règle, lorsqu'une personne décède, mais qu'une partie de son corps est introuvable, et qu'on prie sur lui, puis après un certain temps, le membre est retrouvé. Doit-on prier sur ce dernier? Oui ou non? La réponse à cette question est que dans ce cas bien précis, on ne doit pas refaire la prière mortuaire. Car ici, on a déjà effectué la prière mortuaire. Et lorsqu'on retrouve l'un des membres de la personne sur laquelle on a effectué la prière mortuaire, nous ne devons pas refaire la prière car elle a déjà été effectuée. Le troisième sujet, qu'en est-il lorsque le membre de l'animal est coupé pendant l'égorgement? Et ça, c'est un sujet, d'accord, qu'il est bon de mentionner. Imaginons que Zaïd, il égorge un mouton. Et lorsque le mouton est en train de se vider de son sang, d'accord, il n'est pas encore mort, qu'est-ce que Zayd fait? Il lui coupe le pied. Donc ici, la question qu'on se pose, quel est le jugement de ce membre? Quel est le jugement de ce membre? Est-ce que ce membre sera pur et licite à la consommation, ou bien ce membre sera impur et illicite à la consommation? Donc dans ce cas-là, les savants expliquent que lors de l'égorgement, l'animal a le jugement du mort, a le jugement de l'animal mort. Et donc le membre qui serait coupé pendant à ce moment-là bien précis est pur. Donc ici, les savants, ils ont dit que la bête, lors de l'égorgement, elle a le même jugement que l'animal qui est mort. Et donc, si tu viendrais à couper, par exemple, le pied ou la partie du corps d'un mouton, alors que tu l'as égorgé et donc il est mort, il n'y a pas de doute que la partie de ce corps-là est pure et licite. Et donc ici, ils ont dit c'est la même chose. Car lors de l'égorgement, l'animal a le jugement de l'animal mort. Par contre, il est bon de signaler que ceci est interdit. Ceci est interdit. Car couper un membre d'un animal à ce moment-là bien précis est très douloureux. Et il est obligatoire d'être bienfaisant envers les animaux. Et la preuve de cela réside dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. D'après Abu Ya'la Shaddad ibn Aws, qu'Allah l'agré, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a certes prescrit la bienfaisance en toutes choses. Ainsi, lorsque vous égorgez, alors égorgez convenablement, que chacun aiguise sa lame et qu'il tranquillise sa bête. Donc ce qu'il faut retenir de ce hadith, ikhwani fillah, c'est la règle qu'on a mentionnée précédemment. Par contre, les savants excluent de cette règle plusieurs choses. Parmi elles, la glande porteuse de muscles que l'on extrait de la gazelle vivante. Et comme ceci est venu dans la sunna, ceci est pur. Les savants excluent aussi les cheveux et la laine d'un animal, car ceci augmente et diminue au contraire de ses membres. Et nous allons finir l'explication de ce hadith par une question, qui est: pourquoi l'auteur a-t-il mentionné ce hadith dans le chapitre des eaux et non pas dans le chapitre de la nourriture? Et la réponse à cette question est que l'auteur veut montrer que si le membre d'un animal dont le cadavre est pur viendrait à être coupé alors qu'il est vivant, puis qu'il tombe dans l'eau et altère l'une des trois caractéristiques, l'eau reste pure. Par contre, si c'est le cas avec un animal dont le cadavre est impur, et que le membre coupé viendrait à tomber dans l'eau et altère l'une des trois caractéristiques, l'eau serait impure. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc après avoir fini avec l'explication de ce hadith et par la même occasion le chapitre des eaux, nous allons faire une brève révision des points importants vus dans ce chapitre. Le premier point sur lequel nous allons revenir est la classification de l'eau. Donc comme nous l'avions mentionné dans les premiers cours, les savants ont divergé à ce sujet. Le premier avis, et ceci est l'avis de la majorité des savants, tels que l'imam Malik, l'imam Shafi'i Et c'est l'un des avis de l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde, et que l'eau se divise en trois catégories. Donc la première catégorie, l'eau pure, est purificatrice. Et c'est l'eau qui est restée dans son état originel. Donc cette eau, selon eux, peut être utilisée pour les adorations et les habitudes. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, l'eau pure non purificatrice. C'est l'eau dont l'une des trois caractéristiques a été altérée par quelque chose de pur, tel que le savon ou la feuille d'un arbre ou autre. Et donc ces savants ont dit que cette eau ne peut être utilisée que pour les habitudes. Et elle n'est donc pas utilisable pour les adorations, car elle n'est pas purificatrice selon eux. Et la troisième catégorie, c'est l'eau impure. C'est l'eau dont l'une des trois caractéristiques a été altérée par quelque chose d'impur, tel que l'urine par exemple, et cette eau n'est pas utilisable, ni pour les adorations, et ni pour les habitudes. Donc cette classification est l'avis de la majorité des savants. Ensuite, nous avons l'avis de certains savants, qui est que l'eau se divise seulement en deux catégories. La première catégorie, l'eau pure et purificatrice. Et la deuxième catégorie, l'eau impure. Et cet avis, ikhwanifillah, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Et c'est l'un des avis de l'imam Ahmed. Et c'est aussi l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh al-Uthaymeen et d'autres savants. Et cet avis, comme nous l'avons mentionné dans les premiers cours, est certes l'avis le plus juste. Car l'eau pure, non purificatrice, n'existe pas dans la législation, comme l'a mentionné certains savants. Et s'il y aurait une catégorie d'eau pure et non purificatrice, cela aurait été quelque chose de connu. Et ceci aurait été mentionné dans les hadiths d'une manière claire. Donc le deuxième point sur lequel nous allons revenir est les différentes catégories, ou plutôt les différents cas de figure, lorsqu'une impureté se mélange à l'eau. Et ici nous avons deux cas de figure. Le premier, lorsque l'impureté n'a pas altéré l'eau, de telle sorte que ces trois catégories restent intactes. Et dans ce cas-là, l'eau reste pure, qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité. Et le deuxième cas de figure, c'est lorsque l'impureté a altéré l'eau, de telle sorte que l'une des trois caractéristiques a été altérée. Et ici, l'eau est impure à l'unanimité des savants. Le troisième sujet, les différents cas de figure lorsque quelque chose de pur se mélange à l'eau. Donc ici, nous avons toujours deux cas de figure. Le premier, lorsque cette chose pure n'a pas eu d'impact sur l'eau. C'est-à-dire que ces trois caractéristiques sont intactes. Ici, l'eau reste pure. Et le deuxième cas de figure, lorsque cette chose pure a altéré l'eau. Donc ici, il faut regarder si cette chose pure a enlevé le nom de l'eau. C'est-à-dire, est-ce qu'après cette altération, on peut appeler encore cette eau de l'eau? Si la réponse est oui, alors l'eau est pure. Et si la réponse est non, alors on ne pourra plus appeler cette chose de l'eau, en règle générale. On l'appellera par la chose qui a altéré l'eau. Et ici, ikhwanifillah, il est judicieux de donner quelques exemples. Car ce sujet peut paraître un peu complexe au premier abord. Donc imaginons que Zayd a de l'eau dans un récipient, dont il fait tomber un bout de savon qui altère la couleur de l'eau. Ici, Zayd, il regarde ce qu'il a devant lui avec attention et remarque que ceci est encore de l'eau. Donc dans ce cas-là, l'eau est pure. Un autre exemple. Khalid, il se lève le matin pour déjeuner. Il prend une tasse et il met de l'eau. À ce moment-là précis, l'eau est pure. Mais par la suite, il y rajoute du café. De telle sorte que l'eau change de couleur, d'odeur et de goût. Et la question qu'on se pose ici est la suivante. Va-t-on encore parler d'eau ici ? La réponse est non. Ici, nous allons appeler ça du café. Car le café a enlevé le nom de l'eau. Donc là, dans ce cas-là, on ne va même pas dire que c'est de l'eau, mais on va appeler ça du café. Ensuite, le quatrième sujet, la règle très importante concernant l'eau qui est la base de l'eau et la pureté. Et ceci est une règle très importante que le musulman doit connaître. Lorsque tu doutes sur la pureté d'une eau, est-elle pure ou pas, sache qu'elle est pure, car ceci est la base. Ici, on peut donner un exemple. Amr va à la mosquée, sans avoir fait ses ablutions au préalable. Puis lorsqu'il arrive dans la salle des ablutions, il y trouve de l'eau dans un récipient. Il se demande alors quel est le jugement de cette eau. La réponse est qu'elle est pure. Car la base de l'eau, c'est la pureté. Le cinquième sujet, l'interdiction dans les textes montre soit le caractère illicite de la chose, ou soit elle montre son caractère détestable. Mais la base dans l'interdiction, c'est qu'elle indique le caractère illicite de la chose. Et quelqu'un pourrait se demander, comment peut-on savoir lorsque l'interdiction indique une simple réprobation? Et la réponse, elle est simple. Les savants, ils nous ont mentionné que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose et qu'il l'a fait, ceci montre que l'interdiction indique une réprobation. Tout comme lorsqu'il ordonne sallallahu alayhi wa sallam quelque chose et qu'il fait le contraire. Ceci montre que l'ordre n'indique pas l'obligation. C'est pour cela que le hadith, c'est pour ça que dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit que la femme se lave avec le restant d'eau de l'homme ou que l'homme se lave avec le restant de l'eau de la femme, l'interdiction dans ce hadith indique une simple réprobation. Car Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lavait avec le restant d'eau du bain de sa femme Maïmouna radiallahu anha. Le sixième sujet, lorsque l'impureté se trouve au sol, il suffit de jeter de l'eau pour purifier l'endroit. Car lorsque le bédouin a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement ordonné qu'on jette un seau d'eau. Mais il n'a pas ordonné qu'on frotte à l'endroit de l'impureté. Mais on avait précisé que ceci est dans le cas où l'impureté n'est pas solide. Car si l'impureté est solide, telle que les excréments par exemple, il faut d'abord enlever l'impureté, ensuite nettoyer l'endroit où était l'impureté. Le sixième sujet est concernant le chien. Est-il impur ou non ? Donc on avait mentionné cette mas'ala, ce sujet. On avait mentionné que les savants ont divergé à propos de ce sujet en trois avis. Donc le premier avis est que toutes les parties de son corps sont impures. Et ceci est l'avis de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed. Et cet avis est l'avis de la majorité des savants. Le deuxième avis est que toutes les parties de son corps sont pures. Toutes les parties de son corps sont pures. Et ceci est l'avis de l'imam Malik. Et le troisième avis est qu'il n'y a que la salive et la langue du chien qui sont impures. Et ceci est l'avis le plus juste. Et c'est l'avis de certains a'imma, tels que l'imam Abu Hanifa. Et c'est l'avis aussi qu'a choisi Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Et cet avis, comme on avait mentionné, le plus juste, Inch'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné seulement de se purifier de la salive du chien et non pas de tout son corps. Et aussi, on peut se servir de la règle qui est connue dans la jurisprudence. Et cette règle est que la base est que toute chose est pure. Donc ces savants qui ont mentionné que seule la salive et la langue du chien sont impures se sont basés sur ces deux points. Le huitième sujet, les impuretés sont de trois catégories. La première catégorie, l'impureté sévère, et c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith du chien. Car il a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, de la laver 7 fois. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, l'impureté modérée. C'est l'impureté qui nous est ordonnée de laver une ou plusieurs fois, jusqu'à ce que l'impureté parte. Et ensuite, nous avons la troisième catégorie, l'impureté légère. C'est celle qui nous suffit juste d'arroser, telle que l'urine de l'enfant, qui ne mange pas encore, ou bien son vomi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.